qui me plaît, ce qui me plaît et ce qui fait. Ce qui me plaît, c'est de voyager dans ces mots, ces silences, lance, ces baisers, ces messages sages. Ce qui me plaît, c'est de voyager dans ces câlins, ces tendres bises, brise le silence. Sois mon ami quand vient la nuit, quand vient le jour, sois mon amour. Mon amour est ce qui me plaît et je lui fais ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît, c'est de voyager dans mes draps, des scènes de sec, mon regard, mon sourire, rire. Ce qui lui plaît, c'est de partager ma douce voix et mon soupir lui fait un empire. Sois mon ami quand vient la nuit, quand vient le jour, sois mon amour.